Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Lire la poésie ou l'écouter. On peut choisir dans sa bibliothèque un livre de poésie, celle de tel ou tel auteur, et passer une soirée avec ce volume, avec cet auteur. Ou l'on peut préférer à ce livre une anthologie, vivre la même soirée en compagnie de poètes multiples. On peut également, nous y sommes, demander à un producteur de radio de sélectionner 23 auteurs francophones de la seconde moitié du XXe siècle et donc de les retrouver, ces auteurs, grâce aux archives de la radio, se lisant, se disant eux-mêmes. René Char, André Chédid, Léopold de Sédar Senghor, Bernard Noël, Roger Caillois, Eugène Guilvic, Pierre Emmanuel, Jean-Marie Le Clézio, René Depestre, Édouard Glissant, Nathalie Sarraute et tant d'autres. Tire ta langue, voix de poète, 1950-1980 par Olivier Germain Thomas, première diffusion sur France Culture le 8 juin 1995. Prenons un morceau de vie, grattons-le. S'il n'y a que des mots, serpent flasque, jetons-le. S'il y a un chant, nous avons retrouvé un lien qui permet à l'homme de passer de l'autre côté des apparences. Complice de nos parts cachées, la matière sonore du poème reste à jamais ouverte. À tout moment, chacun peut lui donner son souffle, mais elle a une origine dans la voix même de l'auteur, son rythme, son accent, son allant. Dès la source, la voix du poète a renoué avec l'oralité. Elle a fait sortir le texte du papier, l'a transformé en chant de pluie, chant de guerre ou chant d'amour. Jamais la poésie n'aurait été plus nécessaire qu'en cette fin de cycle. Mais sans élan vital, elle s'affaisse dans la page. Faudrait-il réinventer l'usage des mythes? Justement, aujourd'hui, parmi les poètes de langue française les plus vivants, beaucoup proviennent de cultures qui convient encore les dieux devant les foyers du récit. La francophonie est d'Europe, d'Afrique, d'Amérique et d'Asie. Elle y puise une énergie que l'écriture en chambre lui avait fait perdre. Que la géographie reste donc multiple, dès le premier mouvement de ces poètes au continent mêlé. Multiple également la révolte. Et même s'il lui est dur de vieillir, le cri subsistera une fois les illusions emportées. Les mots alors demanderont aussi leur part de liberté. Eh bien, qu'ils nous surprennent. C'est ainsi qu'ils nous feront entendre combien ils ont gardé l'esprit d'enfance. Puis ce sera l'amour, en finale, qu'il révèle et qu'il éveille les corps de toutes les couleurs et les âmes d'une seule et même matière mise à nu par la voix. Ta question chemine. André Chédid. Ami, qu'une seule tige en ténèbres. Parfois l'angoisse plaque ses robes de bure entre deux mains et toi. Parfois la terre, couleur d'os, se dévait de sa fête, et le cœur s'élime à la meule du temps. Alors, ami, quoi qu'il te semble, fais halte et souviens-toi. Le soc des jours meurtrit, mais la semence des jours repique les déserts. Au revers des récifs, plus enfoui que les gouffres, ton sable est sans entaille, et ta question chemine vers je ne sais quel accord. Compagnie de l'écolière. René Char. Je sais bien que les chemins marchent plus vite que les écoliers, attelés à leur cartable, roulant dans la glu des fumées où l'automne perd le souffle. Jamais douce à vos sujets, est-ce vous que j'ai vu sourire? Ma fille, je tremble. N'aviez-vous donc pas méfiance de ce vagabond étranger? Quand il enleva sa casquette pour vous demander son chemin, vous n'avez pas paru surprise. Vous vous êtes abordée comme coquelicot et blé. Ma fille, je tremble. La fleur qu'il tient entre les dents Il pourrait la laisser tomber s'il consent à donner son nom, à rendre l'épave à ses vagues. Ensuite, quelque aveu maudit qui hanterait votre sommeil parmi les ajoncs de son sang. Ma fille, je tremble. Quand ce jeune homme s'éloigna, le soir mura votre visage. Quand ce jeune homme s'éloigna, dos voûté, front bas et mains vides, sous les osiers, vous étiez grave. Vous ne l'aviez jamais été. Vous rendra-t-il votre beauté? Ma fille, je tremble. La fleur qu'il gardait à la bouche, savez-vous ce qu'elle cachait, père? Un mal pur, bordé de mouches. Je l'ai voilé de ma pitié. Mais ses yeux tenaient la promesse que je me suis faite à moi-même. Je suis folle, je suis nouvelle. C'est vous, mon père, qui changez. Georges Chiabé, la prière du soir. Avant le sommeil, les sœurs de ma mère parlaient si bas que tout devenait de l'ombre, les visages et les voix, jusqu'à l'horloge dans sa cage qui n'avait plus de chant. Une allumette alors brillait et l'on pouvait entrevoir mes tantes agenouillées dans une goutte d'or. Chaque fenêtre avait le ciel d'une prairie dans cette maison oubliée. Il y avait aussi les oiseaux qui apportaient les nouvelles et dans les rêves un enfant qui racontait sa vie. Amour, où sont les nuits d'hiver, la lampe douce dans sa robe de verre et l'horloge qui sonne et appelle un enfant seulement endormi. Sur une montagne où les troupeaux parlent avec le froid comme Dieu le fit, où le soleil est à son origine, il y a des granges pleines de douceur pour l'homme qui marche dans sa paix. Je rêve à ce pays où l'angoisse est un peu d'air, où le sommeil tombe dans les puits. Je rêve et je suis ici, contre un mur de violette et cette femme dont le genou écarté est une peine infinie. Il a 10 ans. Yves Bonnefoy. L'âge où l'on regarde les ombres se déplacer, est-ce par saccades, et la déchirure dans le papier des murs, et le clou planté dans le plâtre, avec autour du métal rouillé les infimes écaillements de l'incompréhensible matière. S'est-il perdu? En fait, il avance depuis longtemps parmi de grandes énigmes. Il a toujours été seul. Il s'est assis sur l'arbre tombé, il pleure. Perdu. C'est comme si l'au-delà que scelle le point de fuite venait se pencher sur lui et le toucher à l'épaule. Levez les yeux, alors. Quand deux directions sollicitent également un carrefour, le cœur bat plus fort et plus sourd, mais les yeux sont libres. Ce soir, à la maison, qu'il place des bûches sur le feu, comme on lui permet de le faire. Il les verra brûler dans un autre monde. Qu'il parle pour lui seul, les mots retentiront dans un autre monde. Et plus tard, bien plus tard, de longues années plus tard, seul toujours dans sa chambre, avec ce livre qu'il a écrit, il le prendra dans ses mains, regardera les lettres noires du titre sur le carton léger, teint de bleu. Il en séparera quelques pages pour qu'il soit debout sur la table. Puis, il en approchera une allumette enflammée, une tache brune, puis noire, va naître dans la couleur, s'y élargira, se trouera, un liseré de feu clair en mordra les bords, qu'il écrasera du doigt avant de redresser la brochure pour réinscrire le signe à un autre endroit de la couverture. Voici maintenant que tout un coin de celle-ci est tombé. Le papier glacé, très blanc, de la première page est apparu au-dessous, atteint lui-même, jauni par la chaleur. Il pose le livre. Il va garder en esprit, il ne sait encore pourquoi, le mariage des phrases et de la cendre. Va la vie, Roger Caillois. Une humidité sophistiquée, promise à un destin inextricable et chargé de secrètes vertus, capable de défis, de fécondité. Je ne sais quel glu précaire, quelle moisissure de surface, ou déjà sans fièvre un ferment. Turbulente, spasmodique, une sève, pressage et attente d'une nouvelle manière d'être, qui rompt avec la perpétuité minérale, qui ose l'échanger contre le privilège ambigu de frémir, de pourrir, de pulluler. D'obscures distillations préparent les sucs, les salives, les levures. Comme des vapeurs ou des rosées, de brèves gelées patientes, sourdes à grand-peine et pour un moment d'une substance naguère imperturbable, pharmacie d'une heure, victime désignée de l'intempérie, prêtes à fondre ou à sécher, ne laissant qu'une saveur ou qu'une souillure. Naissance de toute chair irriguée d'une liqueur, telle la pommade blanche qui gonfle la boule de gui, celle dont la chrysalide, la purée intermédiaire entre la larve et l'insecte, la gélatine indistincte, et qui sait seulement trembler avant que ne s'y éveille le goût d'une forme précise, d'une fonction personnelle. Rapidement s'ajoute la première domestication du minéral, les quelques onces de calcaire ou de silice qu'il faut à une matière flottante et menacée pour se construire une protection ou un support. Au dehors, coquilles et carapaces, vertèbres au-dedans, tout de suite articulées, adaptées, usinées dans le moindre détail. Minéraux transfuges, tirés de leur torpeur, apprivoisés à la vie et sécrétés par elle, ainsi frappés de la malédiction de croître, il est vrai, le temps d'un sursis vide expiré. L'instable don de tressaillir émigre sans cesse. Une alchimie opiniâtre, usant d'immuables modèles, ménage sans se lasser à une chair toujours neuve, un autre asile ou un autre soutien. Chaque abri délaissé, chaque poreuse charpente, tombe tout au long des siècles et des siècles en une longue pluie de semences stériles. Ils s'étagent en une boue, presque toute faite d'eux-mêmes, qui durcit et qui redevient pierre. Édouard Glissant. Tu es la femme décharnée qui navigue un enfant mort au sein. Tu es le peuple dématé. Il disparaît dans son souffle, sans poussière aux ravines où ne croit que cette trace. Tu es le lourd orgueil qui craque au cœur quand sur la place ne roue plus que le sable où se désécrit ta race. Lointaine, tu t'assieds au plus humble rasier, le feu te noue d'un cru de mer où tu nous chantes lasse, le chanter des épouses qu'on délassa, le dur aveu de celles qui se vont baigner les bras aux pluies glacées. Tu es douce à celui que tu éloignes parmi lui, comme un sable trop chaud mêlé au sable de minuit. Comme la main qui passe et referme la nuit sans bruit. Tu es l'ombre qui, là, rêve de dormir sur la place. Lointaine, tu es douce à telle que tu refuses et qui luit. M'envolant sur le songe avec les jeunes filles qui dament le fer, je m'en retourne au blanc tarir où s'en soufflent les pieds ce qui du jour s'assemble en cette faille qui te sied. Fille de cuivre, lin du bronze, es-tu la transhumée qui du troupeau foule la trace, ouvre l'espace à tant d'oubli, tant constellé. Je me consume à cette absence que tu fais, avec deux bouts de bois, un peu de feuilles, une criée. Je crie de feu, et mon chanté au sud n'est que folie errée. Ces extraits font partie d'un poème qui tente de recomposer dans l'inconscient des Antillais l'image qu'ils se font de la terre lointaine qui est pour eux l'Afrique dont ils sont venus il y a 3 siècles. Aimé Césaire. Parmi moi, de moi-même, à moi-même, hors toute constellation, à mes mains serrées seulement le rare hoquet d'un ultime spasme délirant, vibre mot. J'aurai chance hors du labyrinthe, plus long, plus large, vibre en onde de plus en plus serrée, en lasso où me prendre, en corde ou me pendre, et comme clou toutes les flèches et le curare le plus amer au beau poteau mitant des très fraîches étoiles. Vibre, vibre, essence même de l'ombre, en aile, en gosier, c'est à force de périr, le mot nègre, sorti tout armé du hurlement d'une fleur vénéneuse, le mot nègre, tout poicre, de parasites, le mot nègre, tout plein de brigands qui rôdent, de mères qui crient, d'enfants qui pleurent, le mot nègre, un grésillement de chair qui brûle, acre et de cornes, le mot nègre, comme le soleil qui saigne de la griffe sous le trottoir des nuages, le mot nègre, comme le dernier rire vêlé de l'innocence entre les crocs du tigre, et comme le mot soleil est un claquement de balles, et comme le mot nuit un taffetas qu'on déchire, le mot nègre, dru, savez-vous, du tonnerre d'un été que s'arroge des libertés incrédules. Mohamed Kheridine. Complot. L'affre âpre, d'affre sourde, l'affre en salve, d'extrême justesse qui t'exhume et t'empale sur des brandants de moiteur d'affre. Mer, dépecée sur le plan triennal des nuages. L'affre âpre, d'affre sourde, l'affre en salve. Dans ce tunnel de tendons coupés à ras du rire, sol et soleil fracturés par mon orgasme, affre, ô mon affre sourde, affre, ô maligne, qui me traîne et me saboule et qui me bile, arguant du circonciciel qui me déjecta, dans ce tunnel de tendons coupés à ras du rire. Collier de soleil fracturé par mon arroi, et tes caries, calmes, faucilles au poing, errent dans l'air. Et tes béquilles rampent et t'abandonnent dans l'air, qui grince et obstrue ta vie et t'assassine, avec des poteries, des potions et des rires. Collier de soleil fracturé par mes arrois, tu m'abreuves de lune sulfureuse, rends-toi compte, quand bien même serait mitraillé ton soir âcre, trempé dans le poigre crachat grêle des cheminées du nord où te tue mon patois, silicose aux dents, marteau piqueur et couteau roi, qui m'abreuves de lune sulfureuse, rends-toi compte, arguant du circonciciel qui me déjecta sur les sarbacanes, sur les usines et sur les poux, où mes affres s'ébrouent et exhibent leurs tumeurs, sur le masque mortuaire des nuits où je renais, arguant du circoncis ciel qui me déjecta. Jean Genet. Quand je rencontre dans la lande, et singulièrement au crépuscule, au retour de ma visite des ruines de Tiffauges où vécut Gilles de Rais, des fleurs de Genet, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi, peut-être la fée de ces fleurs. Elles me rendent au passage un hommage. S'inclinent sans s'incliner, même reconnaissent. Elles savent que je suis leur représentant vivant, mobile, agile, vainqueur du vent. Elles sont mon emblème naturel, mais j'ai des racines par elles dans ce sol de France nourri des eaux, en poudre, des enfants, des adolescents filés massacrés, brûlés par Gilles de Rais. Et par cette plante épineuse des Cévennes, c'est aux aventures criminelles de Vacher que je participe. Enfin, par elles dont je porte le nom, le monde végétal m'est familier. Je peux sans pitié considérer toutes les fleurs. Elles sont de ma famille. Si par elles, je rejoins aux domaines inférieurs, et c'est aux fougères arborescentes et à leurs marécages, aux algues que je voudrais descendre, je m'éloigne encore des hommes. De la planète Uranus, paraît-il, l'atmosphère serait si lourde que les fougères sont rampantes. Les bêtes se traînent, écrasées par le poids des gaz. À ces humiliés toujours sur le ventre, je me veux mêler. Si la métempsychose m'accorde une nouvelle demeure, je choisis cette planète maudite. Je l'habite avec les bagnards de ma race. Parmi d'effroyables reptiles, je poursuis une mort éternelle, misérable, dans tes ténèbres où les feuilles seront noires, l'eau des marécages épaisse et froide. Le sommeil me sera refusé. Au contraire, toujours plus lucide, je reconnais l'immonde fraternité des alligators souriants. René de Pestre. À bas l'être humain, à bas les étoiles, à bas le maïs et le blé, à bas la pluie et la neige, à bas le cheval, le chien et la colombe, à bas le rossignol et le papillon, à bas le pupitre et les fleurs, à bas le phosphore et les crayons, à bas la cerise et la topaze, à bas le radar et le brouillard, à bas l'eau, le vent et le calcium, à bas les cahiers et les chaises, à bas les seins et l'azur, à bas le sonnet et le basilic, à bas les vitamines de A jusqu'à Z, à bas le cristal et le bois, à bas le baiser et l'algèbre, à bas le sel et la géométrie, à bas le nord et le sud, à bas le coït et ses épopées, à bas la pomme, le raisin et le compas, à bas le piment et le stéthoscope, à bas l'orgasme, la lune et le voilier, Abba Einstein et son Mozart, Abba les draps et la fumée, Abba la rosée, l'herbe et les amants, Abba le repos, la sueur et le feu, Abba la table, le vagin et la lampe, Abba Tolstoï, la mer et l'espoir, Abba l'agneau, le vin et la montre, Abba la charrue, le bœuf et le sillon, Abba Homer, les ponts et la santé, Abba la poupée, le facteur et l'alouette, Abba l'alphabet et la nostalgie, Abba la tortue, le coq et le cinéma, Abba le charbon et le ver libre, Abba le melon, le colibri et la pensée, Abba Van Gogh, le diamant et l'hirondelle, Abba le citron, le nénuphar et la bonté, Abba le silence, le miel et le travail, Abba le lit, la joie et la liberté, Abba l'alpha et l'oméga de la vie, demain la bombe H, vive la bombe H. L'explication des métaphores. Raymond Queneau. Loin du temps, de l'espace, un homme est égaré, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, les naseaux écumants, les deux yeux révulsés, et les mains en avant pour tâter le décor, d'ailleurs inexistant. Mais quelle est, dira-t-on, la signification de cette métaphore, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, et pourquoi ces naseaux hors des trois dimensions ? Si je parle du temps, c'est qu'il n'est pas encore. Si je parle d'un lieu, c'est qu'il a disparu. Si je parle d'un homme, il sera bientôt mort. Si je parle du temps, c'est qu'il n'est déjà plus. Si je parle d'espace, un dieu vient le détruire. Si je parle des ans, c'est pour anéantir. Si j'entends le silence, un dieu vient y mugir et ses cris répétés ne peuvent que me nuire. Car ces dieux sont démons. Ils rampent dans l'espace, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, les naseaux écumants, la bave sur la face, et les mains en avant pour saisir un décor, d'ailleurs inexistant. Mais quelle est, dira-t-on, la signification de cette métaphore, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, et pourquoi cette face hors des trois dimensions ? Si je parle des dieux, c'est qu'ils couvrent la mer de leur poids infini, de leur vol immortel. Si je parle des dieux, c'est qu'ils hantent les airs. Si je parle des dieux, c'est qu'ils sont perpétuels. Si je parle des dieux, c'est qu'ils vivent sous terre, insufflant dans le sol leur haleine vivace. Si je parle des dieux, c'est qu'ils couvent le fer, amassent le charbon, distillent le cinabre. Sont-ils dieux ou démons ? Ils emplissent le temps, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, les mailles des yeux brisées, les naseaux écumants, et les mains en avant pour saisir un décor, d'ailleurs inexistant. Mais quelle est, dira-t-on, la signification de cette métaphore, mince comme un cheveu, ample comme une aurore, et pourquoi ces deux mains hors des trois dimensions ? Oui, ce sont des démons. L'un descend, l'autre monte. À chaque nuit son jour, à chaque mont son val. À chaque jour sa nuit, à chaque arbre son ombre, à chaque être son nom, à chaque bien son mal. Oui, ce sont des reflets, images négatives, s'agitant à l'instar de l'immobilité, jetant dans le néant leur multitude active et composant un double à toute vérité. Mais ni Dieu ni démon, l'homme s'est égaré, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, les naseaux écumants, les deux yeux révulsés, et les mains en avant pour tâter un décor, d'ailleurs inexistant. C'est qu'il est égaré, il n'est pas assez mince, il n'est pas assez ample, trop de muscles tordus, trop de salive usée. Le calme reviendra lorsqu'il verra le temple, de sa forme assurée sa propre éternité. Enquête, une série d'enquêtes policières, ou plutôt d'enquêtes à la manière des magazines féminins. Eugène Guivic. Enquête numéro 1. Est-ce que la lumière vous a fait mal ? Est-ce que la lumière parfois vous emporte ? Est-ce que c'est toujours la même lumière ? Avez-vous une fleur que vous préférez ? La fleur le sait-elle ? D'après vous, comment l'aura-t-elle appris ? La force de qui, la force de quoi rêvez-vous d'avoir ? et sait pourquoi faire. Enquête numéro 4. Est-ce que le futur est pour vous présent? Est-il un plafond auquel vous cognez? Est-il autre chose? Est-il familier? S'il prend trop de place, où vous mettez-vous? Avez-vous été l'herbe que l'on foule? Saviez-vous pourquoi l'on passait par là? Enquête numéro 6. Quand vous avez choisi d'être telle couleur, que faites-vous des autres? Enquête numéro 7. Si vous étiez le géranium en pot sur la fenêtre, voudriez-vous avoir plus de fleurs, plus de feuilles? Enquête numéro 8. Quand vous êtes la nuit qui saisit les campagnes, que vous promettez-vous qui vous étonnerait? Enquête numéro 9. Quand vous voyez le ciel regarder nos journées, n'avez-vous pas pensé qu'il aurait mieux à faire? Enquête numéro 10. Est-ce que le soleil vous quitte sans regret? S'en est-il expliqué? Enquête numéro 11. S'il y avait un Dieu et qu'il n'existerait que la nuit, pas le jour, voudriez-vous dormir dans le monde avec Dieu, dans le monde sans Dieu? Même question pour le réveil. C'est un texte tiré d'un roman intitulé « Le planétarium » qui est apparu en 1959. Nathalie Sarraute. Mon gendre aime les carottes râpées. Monsieur Alain adore ça. Surtout n'oubliez pas de faire des carottes râpées pour Monsieur Alain. Bien tendres, des carottes nouvelles. Les carottes sont-elles assez tendres pour Monsieur Alain? Il est si gâté, vous savez. Il est si délicat. Finement haché, le plus finement possible, avec le nouveau petit instrument. Tiens, c'est tentant. Voyez, mesdames, vous obtenez avec cela les plus exquises carottes râpées. Il faut l'acheter. Alain sera content, il adore ça. Bien assaisonné, de l'huile d'olive, la niçoise, pour lui, il n'aime que celle-là, je ne prends que ça. Les justes proportions, ah, pour ça il s'y connaît. Un peu d'oignon, un peu d'ail, et persillées, salées, poivrées, les plus délicieuses carottes râpées. Elle tend le ravier. Oh Alain, on les a faites exprès pour vous. Vous m'aviez dit que vous adoriez ça. Un jour, il a eu le malheur, dans un moment de laisser aller, un moment où il se sentait détendu, content, de lui lancer cela négligemment, cette confidence, cette révélation. Est-elle une graine tombée sur une terre fertile? Cela a germé et cela pousse maintenant, quelque chose d'énorme, une énorme plante grasse au feuillage luisant. Vous aimez les carottes râpées, Alain. Alain m'a dit qu'il aimait les carottes râpées. Elle est à l'affût, toujours prête à bondir. Elle a sauté là-dessus, elle tient cela entre ses dents serrées. Elle l'a accroché, elle le tire, le ravier en main, elle le fixe d'un œil luisant. Mais d'un geste, il s'est dégagé. Un bref geste souple de sa main levée, un mouvement de la tête. Non, merci. Il est parti. Il n'y a plus personne. C'est une enveloppe vide, le vieux vêtement qu'il a abandonné, dont elle serre un morceau entre les dents. Mais il ne fera pas cela. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Tout occupé à parler, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Il a de ces moments, quand il parle, quand il est préoccupé, où il ne remarque rien. Il jette sur son assiette un regard distrait. Il trace dans l'air avec sa main un geste désinvolte, insouciant. Non, merci. Elle a envie de le rappeler à l'ordre, de le supplier. Comment a-t-il osé? Oh, écoute, Alain, il a bafoué sa mère, il l'a humiliée. Cela lui fait honte à elle, cela lui fait mal de voir ce petit sourire préfabriqué que sa mère, comme elle sait se dominer, pose sur son visage et retire aussitôt, tandis que marquant que le désastre est consommé, qu'il faut savoir courber la tête devant son destin, elle remet à sa place le ravir. Georges Perros. Ce que je cherche, c'est ce trou entre ma naissance et le jour où l'air me donna la parole. Quand je fouille mes mots, c'est là que je soupçonne mon espace avant tout langage. Voyez, si je suis à plaindre, à blâmer, mon malheur est un nain. Trois pommes suffiraient à le renverser. Je ne me croirais immortel que livré au ver du tombeau. Mais pour le moment, ô précaire et plus fragile qu'un roseau, quoique pensant de temps en temps un peu plus qu'il ne serait bon, car trop penser est un poison quand on se retrouve par terre. Je ne suis qu'un passant qui tète les racines d'un aujourd'hui sans hier et sans lendemain. Si l'on me dit, vous le poète, on fait tort à la poésie. Je parle de choses vécues, par moi bien sûr, par vous peut-être, aussi. Mais vous n'aurez pas cru devoir les mettre à la fenêtre afin qu'elles sèchent, au gré comme le linge bien lavé de toute la malpropreté de nos subjectivités rances qui s'envoleront. Gré du vent, mais il ne faut le provoquer, il arrive alors sans rien dire et nous déshabille en sifflant. Plus rien que la peau et les os pour te poursuivre, aventurière. Ô notre vie, belle guerrière, ô pantésilée, ma farouche, baiserai-je jamais ta bouche, toi pour laquelle je ne suis qu'un corps difficile à traîner. Valet, valet, et me ama. On m'oubliera vite. Et ce que j'écris par un beau soir d'automne près de mon chien qui mord ses puces pour qu'elle perde dans son sang la sotte envie d'en faire autant. J'entends mes enfants et ma femme qui somnolent. Le mur de la nuit enregistre ce que j'écris. Les petits bébés du néant s'en pourlècheront les babouines. Situé. Henri Thomas. Toutes les vies forment la vie. Toutes les lumières sont une seule lumière sous la même nuit. Un seul monde, une seule terreur pour tous les hommes, ces cas uniques. Toutes les lettres du grand alphabet se sont rejointes, formant un nom qui ne correspond à aucun son. C'est la légende. Et quant au dessin, sous le crépi de chair, l'œil ancien, troisième et premier, comme d'hier, mais hier est loin, s'en souvient. En tout homme est une architecture, mais perdue, insensible débris. Le monument plus grand qu'il a brisé brille autour, et lui-même est captif dans le noir, au centre du massif. L'étoile tourne dans ce réduit. L'aloès. Liliane Wouters. Une fois tous les 100 ans, l'aloès fleurit. Mon temps connaît la même fortune. Tant de jours perdus pour une minute vivante. Tant de saisons pour un instant parfait, arraché de force. Ô mon temps, sous quelle écorce caches-tu l'éternité pendant que, pour me quitter, pour reprendre ton empire, chaque fois que je respire, tu t'échappes un peu plus. Souffle qui ma vie élue, voici 30 ans, pour que prenne conscience un corps. Refraine ton allure, je n'ai pas vécu. Sans cesse mes pas m'ont porté, ma bouche pleine de vent perdait son haleine. J'occupais ma place, J'ai travaillé, dormi, mangé. Je cherchais à me connaître. Je n'ai rencontré qu'un être stupide et bruyant. Sa voix disait « je », parlant de moi. « Je n'ai pas ici. Je n'ai pas encore né. S'il naît un jour, vous verrez sa place orpheline. Si la glace rompt qui sépare ce moi réel des autres, la voix impudente sera morte. À son « je », fermez la porte où qu'il se présente nu. Ce « je-là » n'a point tenu parole. Il ne peut pas vivre. Extrait du corps. Bernard Noël. Au commencement, l'œil visita la moelle et je naquis. Un sexe émergea à l'opposé de l'œil pour regarder le temps. Et lentement, la moelle fila une pelote de nerfs autour de laquelle les airs vinrent s'égoutter. Ce fut le ventre. L'eau eut alors soif de se saisir et elle condensa la peau. Le mou engendra son contraire et l'os parut. Il y eut un dedans et il y eut un dehors, mais le dedans contenait son propre dehors, qui disait « moi » pendant qu'il disait « je ». L'œil les mit au noir et se tourna vers le dehors, dehors. J'eus un visage, un volume, un corps. Je fus un plein qui allait toujours de l'avant. Mais voici que mon œil s'est inverti. Maintenant, je vois derrière. Maintenant, je suis creux. Et mon corps est à recommencer. Je vais vous lire justement un poème qui exprime cet élément passionnel des amants. Pierre-Emmanuel. Le goût du sang, nous l'avions en partage et le nommions mystiquement l'amour. C'est une soif qu'étanche lèvre à lèvre ces plaies toujours à vif dont les amants se baisent furieux jusqu'à l'extase. Chacun s'enivre ainsi de respirer l'odeur blessée de l'autre, atroce, fade, qui affole l'esprit plus que le sexe encore. Et ces merveilles que ces mots, comme des griffes, lacérant chaque fauve autant que l'est sa proie, les deux dans la mêlée ne se distinguent pas et sont quatre à s'aimer, donc à s'entre-détruire. Pierre-Emmanuel. Il est cruel de se livrer ainsi pour jamais à la solitude rase, au vent têtu qui va de rien vers rien. Pourtant il faut, afin de traverser vivant ce désert d'hommes et de pierres, avec pour viatique le seul vent. Parfois, roulé la nuit dans sa détresse, il rêve la rondeur d'une épaule ou d'un sein. La visitation d'un ange féminin change le vent en un soyeux froissement d'ailes. Il te voit presque, visage longtemps aimé, dont le sourire lui fait mal de s'effacer. Jean-Marie Le Clésio. Cette autre femme au visage doux, enfantin, aux yeux humides et profonds, au front haut et pur, Cette femme vivante, dois-je la laisser dans son monde? Elle est là, elle me parle, et je l'écoute. Elle écarte une mèche de cheveux de sa longue main aux doigts fins, presque transparents, et je contemple ce geste qui se fait sans moi. Je la vois respirer. Je vois le mouvement ample et glorieux qui gonfle lentement sa poitrine et soulève ses seins, puis s'éparpille dans l'air. J'écoute les coups durs de son cœur qui sursaute, au loin, enfoui entre deux ou trois organes. Je sens l'odeur de sa sueur, l'odeur de ses cheveux, l'odeur âcre, puissante, mêlée de parfums, qui est l'odeur de la femelle de notre espèce. Je scrute les détails de sa peau, les taches claires, les verrues, les boutons, les points noirs et les cicatrices minuscules, les rides, les vergetures, les bleus, les trous des pores et les forêts de duvet. J'aperçois le bondissement presque imperceptible des veines, les tressaillements des muscles, des tendons, toutes ces choses terribles qu'elle porte dans le sac de son corps et qui vivent. Comme ils vécurent, comme ils s'aimèrent, Chikaye Otamsi, l'herbe croissait, personne ne s'en doutait. La forêt m'a revêtu de nuit, sans la lumière de ce qui fait famille, de ce qui fait lien, de ce qui fait chair contre cœur tendre, de ce qui tue d'aimer. L'ami trahira, et tous deux en mourront, sans aveu. De braise sur mon cœur, oh, donnez-moi vos yeux pour mon cœur arable, donnez-moi vos yeux pour mon sommeil. Les enfants font les fous. Je retourne au trou de ma mémoire. Je retrouve mon enfance nue. Pardonnez-moi mon enfance. L'herbe croissait. Je dis à l'herbe, je suis fragile comme la rosée. Et l'herbe est morte sur les braises de mon cœur. Vous le voyez, j'ai la vie qui tue. Malheureusement, l'herbe croissait. La marche à l'amour s'ébruit en un voilier. Gaston Miron. De pas voltant par les lacs de portage. Mes absolus points, ah, violence de délices et d'aval. J'aime, que tu t'avances, ma ravie, frileuse aux pieds nus sur les frimas de l'aube, par ce temps profus d'épilobes en beauté. Sur ces grèves où l'été pleuvent en longues flamèches les cris des pluviers. Harmonica du monde, lorsque tu passes et cèdes ton corps tiède de pruche à mes bras pagailleurs. Lorsque nous gisons, fleurant la lumière incendiée, et quand t'engage de moissons ourlées de brise, je me déploie sur ta fraîche chaleur de cigale. Je roule en toi tous les saguenés d'eau noire de ma vie, je fais naître en toi les frénésies de frayères au fond du cœur d'Outaouais. Puis, le cri de l'engoulevent vient s'abattre dans ta gorge, terre meuble de l'amour, ton corps se soulève en tige pêle-mêle. Je suis au centre du monde, tel qu'il gronde en moi, avec la rumeur de mon âme dans tous les coins. Je vais jusqu'au bout des comètes de mon sang, haletant, harcelé de néant et d'inamité, de petites apocalypses, les deux mains dans les furies, dans les féries, aux mains, aux poings, comme des cogneurs de folle tendresse. Mais que tu m'aimes, et si tu m'aimes, s'exhalera le froid natal de mes poumons. Le sang tournera au grand cirque. Je sais que tout amour sera retourné comme un jardin détruit. Qu'importe, je serai toujours, si je suis seul, cet homme de lisière à bramer ton nom. Éperdument malheureux parmi les pluies de trèfle, mon amour, ô ma plainte de merle-chat dans la nuit buissonneuse, ô fou feu froid de la neige, beau sexe léger au manège. Mon amour d'éclair lapidé morte dans le froid des plus lointaines flammes. Léopold Sédar Senghor. La faiblesse du cœur est sainte. Ah, tu crois que je ne l'ai pas aimé. Ma négresse blonde d'huile de palme à la taille de plume, cuisse de loutre en surprise et de neige du Kilimandjaro, sein de rizières mûres et de collines d'acacia sous le vent d'est, n'olivée aux bras de boa, aux lèvres de serpent minute, n'olivée aux yeux de constellation, point de besoin de lune, pas de tam-tam. Mais sa voix dans ma tête est le bout fiévreux de la nuit. Ah, tu crois que je ne l'ai pas aimé. Mais ces longues années, cet écartèlement sur la roue des années, ce carcan qui étranglait toute action, cette longue nuit sans sommeil. Gérée, cavale du zambèze courante et ruante aux étoiles, rongée d'un mal sans nom comme d'un léopard sur le garrot. Je ne l'aurais pas tué si moins aimé. Il fallait échapper au doute, à l'ivresse du lait de sa bouche, au tam-tam lancinant de la nuit de mon sang, à mes entrailles de lave fervente, aux mines d'uranium de mon cœur dans les abîmes de ma négritude, à mon amour, à Nolivée, pour l'amour de mon peuple noir. René de Pestre. De temps à autre, il est bon et juste de conduire à la rivière la langue française et de lui frotter le corps avec les herbes parfumées qui poussent en amont de mes vertiges d'ancien nègre marron. Ce beau travail me fait avancer à cheval sur la grammaire à notre Maurice Grévis. La poésie y reprend du poil de la bête, mes mots ne regrettent rien, ils galopent de cicatrice en cicatrice jusqu'au bout de leur devoir de tendresse. Debout sur les cendres de mes croyances, mes mots s'élèvent sur tout espoir vrai au gré des flots émerveillés de ma candeur. Mes mots ont la vigueur d'un épi de maïs, mes mots à l'aube ont le champure de l'oiseau qui ne vend pas ses ailes à la raison d'état. Mes mots sont seulement des matins de labour, éblouis de sève qui forcent les portes du désert qu'on nous a fait. Ce sont les mots frais et nus d'un Français qui vient de tomber du ventre de sa mère. Il trouve un lit, un toit, un gîte et un feu pour voyager librement à la voile des mots de la réelle utopie. Laissez-moi apporter les petites lampes créoles des mots qui brûlent en aval des fêtes et des jeux vaudous de mon enfance, les mots qui savent coudre les blessures au ventre de la langue française, les mots qui ont la logique du rossignol et qui font des bonds de dauphin au plus haut de mon raz-de-marée, les mots qui savent grimper à la folle et douce saison de la femme, mes mots de joie et d'ensemencement, tous les mots en moi qui se battent pour un avenir heureux. Oui, je chante la langue française qui défait joyeusement sa jupe, ses cheveux et son aventure sous mes mains amoureuses de potier. Roger Caillois. Le soir est tombé, les couleurs sont froides et fabuleuses. Au-dessus, sur la table de pacage, les falaises roides et plates dressent des môles, des embarcadères pour des périples en terre ferme. Ce sont des arêtes sans âge, couleurs d'hématomes, des éperons de trirèmes alignés au mouillage, sur le fait inchangé du monde, pour une navigation de l'âme, un appareillage immobile, un qui-vive sans objet. Voix de poète 3, une émission d'Olivier Germain-Thomas. avec la collaboration d'Olivier Collardel, dans une réalisation de Judith Dastier. Documentation Annie Saunier, mixage Édouard Campras, documents INA, Marc Delouze, Les Parvis Poétiques, Musée de la Littérature, Bruxelles, Paris-Québec, OGT. Voix, André Chédide, La Question Chemine, René Char, Compagnie de l'Écolière, Georges Chéadé, La Prière du Soir, Yves Bonnefoy, Là où retombe la flèche, Roger Caillois, L'Écriture des Pierres, Édouard Glissant, Poème inédit, Tu es la femme décharnée, Aimé Césaire, Mots, Mohamed Kéredine, Complot, Jean Genet, Journal du voleur, René de Pestre, Abba, Raymond Queneau, L'explication des métaphores, Eugène Guillevic, Enquête, Nathalie Sarraute, Le planétarium, Georges Perros, Une vie ordinaire, Henri Thomas, Situé, Liliane Wouters, L'Aloès, Bernard Noël, Extrait du corps, Pierre-Emmanuel, Le goût du sang et Una ou la mort la vie, Jean-Marie Leclésio, L'extase matérielle, Chikaya Utamsi, Debout, Gaston Miron, La marche à l'amour, Léopold Sédar Senghor, Chaka, René de Pestre, Libre éloge de la langue française, Roger Caillois, Asie centrale. En guise de réouverture, un document retrouvé, la voix de Léon-Paul Fargue, enregistré en 1944. La guerre abandonnée. Ces trois âmes se retrouveront, n'en doutez pas, toutes saisies, toutes ravies d'avoir été chantées. Je les chercherai toujours autour de la gare abandonnée. Je veux revoir la grosse lampe de la ferme qui s'allume à l'arrivée du premier train du matin. J'y gagnerai par les trois sentiers trempés de rosée, les voix qui se lèvent tôt pour la bienvenue, qui coupent le pain pis dans le bol de lait encerclé de mouches. C'est l'heure où l'odeur qui vient de l'allée des tilleuls fait vaciller la lumière. Mais la diligence sans sens et grogne. Il faut prendre la route où la chaleur arrive par le courrier de 10 heures, quand les premiers papillons vulcains posent leur écharpe long et faussé. D'ici là, j'ai tout le temps de m'arrêter au premier village bleu d'enclume, de revoir quelques cousins dans les maisons à sapins et à grilles. Que la paix descende sur moi et qu'on ne me reparle plus de cette immense aventure de vivre. Et que, dans la ruelle d'un étrange demi-sommeil prophétique, j'entends de la douce voix du calme chuchoter de quelque part. Laissez-le. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 juin 1995. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.